une joualité. Mon cœur battait le rythme du bonheur. Je suis d'une envie de te niquer. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, ma petite fleur. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, ma petite fleur. Un nouveau autre chapeau d'âge pour que tu t'aimes. Viens, je t'emmène dans une connerie de tes enfants. Nous tombons rangés, c'est comme un art de papy. Alors demain, je compte danser sur le plaza pour mes gars. Des albums photos sont pour moi chaque fois le devoir.